Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Adam et Ève sont-ils une seule et même personne? C'est ce que dit la Bible si on la lit de près. Dieu a créé non pas l'homme puis la femme, mais l'homme et la femme simultanément. Mais alors que faire dans ce cas de cette histoire de côte prélevée à Adam endormi, à partir de laquelle Ève aurait été créée pour accompagner Adam, histoire que l'on trouve elle aussi dans la Bible? Si tout est affaire d'interprétation, comment démêler le vrai du faux? Je vous propose, pour ce faire, de remonter au tout début du texte, aux premières lignes de la Bible, quand la cosmogonie rejoint la mythologie et la théologie et nous projette dans l'aventure vertigineuse des origines. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit, « Que la lumière soit faite. » Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament, et cela se fit ainsi. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel, et du soir et du matin, ce fit le deuxième jour. Dieu dit encore que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'élément aride paraisse. Et cela se fit ainsi. Dieu donna à l'élément aride le nom de terre et il appela mer toutes ses eaux rassemblées. Et il vit que cela était bon. Dieu dit encore que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son espèce et qui renferment leurs semences en eux-mêmes pour se reproduire sur la terre. Et cela se fit ainsi. La terre produisit donc de l'herbe verte qui portait de la graine selon son espèce, et des arbres fruitiers qui renfermaient leurs semences en eux-mêmes, chacun selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et du soir et du matin, ce fit le troisième jour. Dieu dit aussi que des corps de lumière soient faits dans le firmament du ciel, afin qu'ils séparent le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les années, qu'ils luisent dans le firmament du ciel et qu'ils éclairent la terre. Et cela fut fait ainsi. Dieu fit donc deux grands corps lumineux, l'un plus grand pour présider au jour et l'autre moindre pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et il les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et du soir et du matin, ce fit le quatrième jour. Dieu dit encore que les eaux produisent les animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa donc les grands poissons et tous les animaux qui ont la vie et le mouvement, que les eaux produisirent chacun selon son espèce. Et il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il les bénit en disant, « Croissez et multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Et du soir et du matin, ce fit le cinquième jour. Dieu dit aussi que la terre produise des animaux vivants chacun selon son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leurs différentes espèces. Et cela se fit ainsi. Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques et tous les reptiles, chacun selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il dit ensuite faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel. » S'arrête juste avant la création de l'homme. Bonjour Catherine Chalier. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous y recevoir à nouveau. Vous étiez venue l'an dernier nous parler de Lévinas à ce micro. Vous êtes déjà venue plusieurs fois. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie de l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier s'appelle Pureté, impureté, une mise à l'épreuve, aux éditions Bayard. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Lire la Torah, qui était paru en 2014. Comment faut-il lire ou écouter ce que nous venons d'entendre? Est-ce que c'est une explication? Est-ce que c'est un texte sacré? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est de la fiction? Comment vous le qualifiez? Je pense que ça appartient à la partie mythique du texte biblique. Les mythes, c'est les premiers récits des êtres humains. Les mythes sont censés raconter, parce que c'est d'abord la tradition orale. Ça a été mis par écrit plus tard. Donc c'est, selon la tradition orale, une histoire qui essaie d'expliquer, en l'occurrence, pourquoi l'homme est ce qu'il est, pourquoi il est un être sexué, pourquoi il doit souffrir, pourquoi il doit travailler, pourquoi, etc., pourquoi les oiseaux, pourquoi, dans tout ce qu'on a dit ici, quelle est sa place dans ce monde. Et donc, le mythe ne l'explique pas par des causes abstraites, mais il l'explique par un récit. Au commencement, quelque chose s'est passé et c'est ce qui explique que nous soyons ce que nous sommes maintenant dans ce monde tel qu'il est. Et alors, donc tous les peuples ont écrit, enfin écrit, ça a été mis par écrit après, ont des récits de la création. On trouve en Mésopotamie à la même époque, on en trouve aussi bien sûr chez les Grecs, mais la caractéristique quand même de ce texte-là est assez intéressante, c'est une création par la force de la parole et exclusivement par la force de la parole. C'est pas une théogonie où des dieux sont en lutte les uns avec les autres pour que quelque chose émerge. Ici, il y a la parole et c'est cette parole qui fait émerger d'abord ce que le texte appelle, dans le texte en hébreu, le tohu-bohu. Alors le tohu-bohu, c'est ce moment de l'informe. C'est un mot hébreu. Oui, c'est hébreu. On parle hébreu quand on dit tohu-bohu. Il y a un petit stock de mots comme ça. Donc le tohu-bohu, c'est l'informe, l'impossibilité de trouver sa direction, etc. Et ça, c'est l'état premier de cette création. Et ensuite, comme il a été très bien lu à l'instant, la parole... Par Jean-Pierre Michael, je le précise. Oui, la parole introduit des distinctions et des séparations. Donc si vous relisez ce passage, tout le texte est scandé par des séparations. La nuit, le jour, le soleil, la lune, les différentes espèces, leur place, etc., etc. Et c'est très intéressant parce que quand on va lire ensuite le texte de la création de l'homme, ça va être sous un mode différent. Et là, ces séparations sont toutes déclarées bonnes. Et donc, cette création est bonne. Et ça, c'est aussi très important pour la suite. Cette parole bénit la création. Et ce fut bon. Dieu créa les animaux et ce fut bon, dit-il. Ce fut bon. Tov. Tov. Et quand on va voir tout de suite la création de l'homme, le premier récit, en tous les cas, ça sera tov meot, très bon, très bon. Oui, il y a une hiérarchie d'emblée, là, il y a des séparations, il y a une multiplicité, mais même dans ce qu'on a entendu, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il commande sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Les hommes sont au-dessus du reste. Ils ont un statut à part, et alors en particulier, si on lit le texte attentivement, il n'y a pas d'espèce humaine. Tous les animaux sont des individus d'une espèce. Les plantes sont des individus d'une espèce. L'homme est créé unique. Et il n'est pas un individu dans une espèce. Donc l'espèce humaine, elle viendra peut-être, mais en second. L'homme est unique. Il est créé unique. Et cette unicité, qui est double, puisqu'on va voir qu'elle est masculin et féminin, cette unicité, elle est déclarée très bonne. Mais ça, c'est très très important que ça ne soit pas un exemplaire d'une espèce. C'est une unicité. Et dans certains textes du Talmud, alors bien sûr, les rabbins s'interrogent sur tous les points, là que j'ai résumé très brièvement. Alors pourquoi unique ? Et alors, c'est un grand argument précisément contre le racisme, pour que personne puisse dire « mes ancêtres sont supérieurs aux tiens ». Donc c'est cette unicité de l'homme. Donc c'est aussi un argument contre l'antispécisme. C'est bien dire que l'homme tient une place à part dans l'univers. Absolument, absolument. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez dit, c'est le texte d'une prise de parole. Qui prend la parole ? Qui parle dans ce texte ? Qui parle dans ce texte ? Le narrateur. On ne sait pas qui c'est. Certains pensent que c'est Moïse. C'est la Torah de Moïse. C'est la Torah de Moïse. Moïse aurait écrit cette Torah, donc c'est inspiré par Dieu. Alors, si vous voulez, il y a des écoles différentes. Si vous lisez ces textes à la lumière des données de l'histoire et de la critique biblique, c'est-à-dire scientifique, donc on vous dira, ce texte, et en particulier le premier récit de la création de l'homme et de la femme qu'on va voir plus en détail, appartient à une certaine école et a été mis par écrit à un certain moment de l'histoire. Et puis le deuxième, à une autre école, est mis par écrit à un autre moment de l'histoire. Alors on peut dire ça, peut-être c'est vrai, mais ce qui est intéressant me semble pas là du tout, parce qu'une fois qu'on a dit ça, bon, et quoi alors ? Ce qui est intéressant, c'est de prendre les deux ensemble et de montrer qu'est-ce que le rapprochement nous donne à penser, nous propose de penser, attend notre interprétation pour montrer comment ce texte est intéressant. Et donc, qui a écrit ce texte ? Ce texte, il est à la fois humain et... Non pas qu'il a écrit, qu'il parle. Qui parle. Différent. Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est la voix de Dieu ? Mais Dieu, c'est la parole. Et que fait-on si on ne croit pas en Dieu ? C'est quand même la question qui se pose tout de suite. Là, il ne s'agit que de Dieu. Alors, Dieu est une image dans ce texte ? Pas du tout. C'est pas du tout une image. Ici, d'abord, le nom, c'est... parce qu'il y a des noms différents qui sont donnés ici dans ce texte. Ici, il est appelé Elohim dans le texte. Dans le deuxième récit, il aura un autre nom. Elohim, c'est Dieu quand les hommes ressentent sa force de justice, en fait, justement, et de séparation, de distinction, etc., et aussi d'exigence. Voilà, ça c'est. Après, dans notre texte, on aura un autre nom aussi. Mais pour ne pas esquiver votre question, moi je ne crois pas du tout qu'il faut au préalable croire en Dieu pour lire ce texte. Sinon, bon, alors on peut aussi peut-être éventuellement arrêter l'émission pour ceux qui. Oui, c'est ça. Bon, ça serait vraiment l'approprié. De même, quand vous lisez un texte de la mythologie grecque, vous ne croyez pas à Zeus. Et pourtant, ce texte vous intéresse et vous y trouvez matière à penser, comme on dit. Vous y trouvez du sens. Bon, et là, je pense que c'est exactement pareil. Ce texte, je ne vous demande pas de croire en Elohim, mais de voir que ce texte, il y a une force de la parole de ce texte. Et alors, c'est cette force de la parole, c'est cette parole qui est en elle-même créatrice. Et c'est à cette parole que certains hommes donnent le nom de Dieu. Voilà, c'est cette force de cette parole. Et l'idée que la parole est créatrice de réalités distinctes, c'est tout à fait juste, même si c'est juste, si on vous appelle par votre nom, vous levez la tête. Ah, mais de toute façon, la radio est la preuve de la créativité de la parole. Et on en fait l'expérience quotidiennement. On va écouter le premier récit qui nous rassemble aujourd'hui, justement, donc le moment où Dieu crée l'homme à son image. Je précise dès à présent qu'on va entendre deux textes, et là c'est le premier, parce que dans le récit de la Genèse, au fond, il y a deux étapes dans la création de l'homme, et on retient souvent le second qu'on écoutera ensuite, et dans ce second, justement, Ève vient après Adam. Or, le premier récit est peut-être moins connu, c'est pourtant le premier chapitre, et où justement, Adam et Ève semblent être créés exactement en même temps, ce qui laisse penser que peut-être Adam et Ève ne seraient qu'une seule et même personne. Écoutez le texte lu par Éric Herson-Macarel. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semence qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous lisons les textes sacrés aujourd'hui, sacrés pour les uns, mythologiques pour d'autres. La Bible hébraïque, appelez-la comme vous voulez. Aujourd'hui, on s'intéresse à la création de l'homme. L'homme entendu comme espèce humaine et l'homme appelé Adam et Ève. Quel est le statut de cette Ève? Est-ce qu'elle vient après ou pas? En tout cas, le texte nous dit bien, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Pourquoi la phrase est-elle inversée? Vous nous le direz, Catherine Chalier. Homme et femme, il les créa. Toute la subtilité réside dans ce « et ». C'est pas homme puis femme, c'est homme et femme simultanément. C'est votre position, Catherine oui. Chalier. Et là, votre très bon lecteur a peut-être oublié le dernier verset. Enfin, on ne lui a pas demandé de le lire oui, plus exactement. C'est plutôt ça, je crois. C'est là où il y a marqué « et c'était très bien ». Tov Meot, c'est tout à fait important. Donc, alors oui, donc cette première création est tout à fait importante parce que Adam est créé masculin et féminin. Le texte dit Zahar Venekeva, masculin et féminin. Il ne dit pas homme et femme, mais Zahar Venekeva, masculin et féminin. Donc Adam est créé masculin et féminin à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il les créa, donc au pluriel. Et ici, il n'y a pas de hiérarchie entre masculin et féminin. Il n'y a pas non plus d'idée le masculin fera ceci et cela et le féminin fera ceci et cela. Il n'y a aucune utilisation de ces mots masculin et féminin pour en déduire un rôle dans une société. Non, le texte est très laconique. Il dit simplement et c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu est masculin et féminin. Donc c'est pas le masculin tout seul qui porte l'image de Dieu, c'est le masculin et le féminin. Mais tout l'imaginaire occidental vient de la représentation d'un Dieu homme, d'un Dieu le Père, dit-on dans le christianisme, d'un Dieu barbu, d'un Dieu et la femme qui serait après. Enfin, il y a quand même on associe Dieu à un homme. Faut lire les textes. Masculin et féminin, c'est pas moi qui invente, hein. Il suffit de, là, j'ai le texte en hébreu, donc c'est quand même la langue originale, et il dit bien, masculin et féminin, à l'image de Dieu, il les créa. Et donc c'est le masculin et le féminin sont créés à l'image de Dieu. Alors que veut dire aussi, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire cette image? Alors là, il y a des montagnes d'interprétations sur le mot image. Chacun trouve que être à l'image de Dieu, c'est bon telle ou telle chose. Mais si on prend l'interprétation qui part de la lettre, parce que c'est très important d'interpréter les textes, mais c'est toujours très important d'interpréter les textes à partir de la lettre, et en particulier, bien sûr, de la lettre hébraïque, parce que le pouvoir de sens qu'on peut dégager dans une langue, en l'occurrence l'hébreu, n'est pas la même dans une autre. Vous voyez, par exemple, image en hébreu, ici, c'est tselem. Et dans tselem, vous avez l'idée d'ombre. En français, si vous dites image, vous voyez pas ça. Donc c'est à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire, cette image-là, elle est une image qui ne se voit pas, mais chacun, masculin et féminin, porte en lui cette ombre de Dieu, cette ombre qui est masculin et féminin. Et donc, c'est cet être unique qui est créé. On a dit tout à l'heure, c'est pas une espèce humaine, ouais. C'est un être unique. L'unicité de chaque un porte en lui cette image de Dieu. Mais cette unicité, elle-même, elle est masculin et féminin. Et pourtant, il y a deux individus là. Il y a deux individus, mais ils sont Adam. Ces deux individus s'appellent Adam. Donc, Ève n'existe pas? À Ève, non. Le mot Ève, il va apparaître dans le... Non, il n'y a pas de Ève ici. Ève, c'est plus tard, dans le deuxième récit, et c'est Adam qui nomme Ève, Ève. Ève, elle n'existe pas ici. n'y a pas d'Ève. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut parler d'androgynie, par exemple? Ça voudrait dire que Dieu lui-même serait androgyne s'il crée l'homme à son image. L'idée qui est du masculin et du féminin dans la divinité, ça on la trouve même dans la Kabbale, c'est pas une idée incongrue et qui fait sursauter les bien-pensants. Oui, il y a cette idée du masculin et du féminin. Alors après, ça va être élaboré de façon à comment on peut penser ce masculin et ce féminin. Si on fait un saut très très rapide dans la Kabbale, sans vouloir trop développer ça parce que ça nous conduirait hors sujet, mais ce qui s'appellera le pôle masculin n'est pas forcément celui qu'on entend, nous, généralement, où c'est plutôt la rigueur, etc. Au contraire, c'est beaucoup plus la tendresse et l'inverse pour ce qui concerne le féminin. Donc, vous voyez, il y a un flou. Oui, ils ne sont pas définis, le masculin et le féminin. D'ailleurs, les termes ne définissent pas du tout. Ne sont pas employés. Ne définissent pas du tout. Mais ce que je voulais dire, quand on a essayé de les définir, beaucoup, beaucoup plus tard, dans certains corpus mystiques donc de la Kabbale, on ne retrouve pas les différenciations qui nous sont à nous courantes, à savoir que le féminin serait plus doux, etc., et le masculin plus sévère. Ce n'est pas du tout ça. Donc, cette polarité-là n'est pas du tout figée de cette façon qu'on connaît. Quoi. Non, mais il y a quand même une dualité, une distinction. Il y a une polarité. Ah, ça oui, il y a une polarité. La différence, par exemple, du mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon, Aristophane, qui raconte que les êtres humains étaient à l'origine une espèce de boule avec quatre pattes et quatre jambes, qui aurait été scindée en deux suite à une colère divine, et qu'ensuite chacun passerait sa vie à chercher sa moitié. Mais cette moitié pouvait être un homme comme une femme. Ici, c'est quand même homme et femme. C'est homme et femme, et puis c'est pas dû à la colère divine. C'est au contraire. Au contraire, il trouve que c'est très bon. Il est très content de ce qu'il a fait. Donc c'est très bon. Et puis, si vous voulez, il s'agit de penser une asymétrie en un seul mot. Voyez, donc c'est deux pôles asymétriques, et donc qui ne visent pas à refaire une totalité, qui ne visent pas du tout à faire une totalité. Et si on pense vraiment féminin et masculin de cette façon-là, il ne s'agit pas d'être dans une position de rivalité, de compétition, de complémentarité, de tout ce que vous voulez. Il s'agit justement de penser une altérité sur un mode asymétrique et sur un mode qui, finalement, interdit de vouloir assigner chacun à un rôle, à une place, à une nature. On va écouter le deuxième texte, celui qui suit. Là, ça va se gâter. Là. Pour établir une comparaison, justement, parce qu'il me semble que l'interprétation contemporaine, moderne, qui suivra pendant des siècles et des siècles, aura plutôt privilégié le deuxième texte. Et peut-être, d'ailleurs, est-ce dû à l'intervention plus tardive d'Augustin, par exemple, qui propose une certaine lecture chrétienne de ce texte-là et qui tire l'histoire dans un certain sens. On va y venir. D'abord, écoutez donc le second récit de la Genèse, la formation de l'homme et de la femme, ou devrait-on dire de la femme à partir de l'homme. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors, Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Thank you. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Catherine Chalier, c'est clairement ce texte-là qui a été retenu dans la postérité, dans l'imaginaire occidental, lorsqu'on évoque la Bible et la création d'Adam et Ève. Alors, comment expliquez-vous la préséance de ce second texte sur le premier ? Je ne sais pas, mais je vois que, quand je dis, dans le premier texte, où nous avons cette belle idée que chaque Adam, masculin et féminin, porte en lui l'image de Dieu. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne de cette image, ici, en effet, on peut penser que c'est très bon. Ici, ce qui se passe dans ce récit-là, c'est que le féminin est pensé à l'extériorité du masculin. Et alors, le texte nous dit, d'abord, c'est la première fois qu'on voit dans le texte que quelque chose n'est pas bon. L'otov. C'est que Dieu dit, c'est pas bon qu'il soit seul. C'est pas bon qu'il soit seul, mais là, dans ce texte-là, il est seul en tant que masculin. Adam est devenu seulement, il est seul de cette façon-là, et ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et ensuite, donc il y a le défilé des animaux, et l'homme ne trouve aucun animal qui puisse être son compagnon, sa compagne, et il leur donne des noms, ce qui est important aussi par rapport à la parole humaine. Donc la parole, lui aussi, c'est lui qui va mettre des distinctions en nommant. Nommer, c'est pas dominer, c'est permettre aussi des distinctions. Mais lorsqu'il voit Ève, alors là, il est... Elle s'appelle pas encore Ève, d'ailleurs. C'est à la fin de ce chapitre qu'il va s'appeler comme ça. Il se reconnaît. C'est comme si, soudainement, c'était un miroir de lui-même. Et donc, la gratitude qu'il exprime, c'est la gratitude de quelqu'un qui reconnaît au fond, ce qui lui manquait, ce qu'il cherchait pour lui-même. Donc, c'est une reconnaissance en miroir. Alors, il est vraiment plein de gratitude, mais il est plein de gratitude parce que ça ne le surprend pas. Il se voit, il est comme dans un miroir, il dit « c'est moi en féminin, c'est moi en féminin ». Et je vous ferai remarquer que dans ce texte, Ève ne dit rien, pas un mot, elle ne parle pas. Elle est entièrement silencieuse, elle est dépendante de celui. Alors, vous me demandez pourquoi on a... Bah oui. Je ne sais pas, mais parce que c'est... Enfin, je sais, mais... Oui, je pense que vous avez une idée sur la question, c'est pour je ça que je l'ai posée. Justement, parce que ça pose... Alors là, ici, elle est appelée Isha dans le texte. Isha, ça veut dire femme. Et alors, on dit, elle est appelée Isha parce qu'elle a été tirée de Ish, qui veut dire l'homme, qui veut dire homme. Elle est appelée Isha parce qu'elle a été tirée de Ish. Mais dans le texte lui-même, le mot Isha apparaît avant le mot Ish. Et c'est parce qu'il voit Isha, donc qu'il se sent Ish. Il se sent Ish parce qu'il voit Isha. Il se sent, voilà. Et pourquoi on valorise ce texte? Peut-être aussi par rapport à ce qui se passe ensuite dans l'histoire de manger le fruit interdit. Mais parce que c'est la position de l'homme qui est première, et Isha, la femme, est considérée par rapport à lui, et seulement par rapport à lui. Elle n'est pas considérée par rapport à elle-même, elle n'est pas considérée comme portant l'image de Dieu. Elle est considérée uniquement par rapport à lui, c'est lui qui se reconnaît en elle, et il lui demande absolument pas qu'est-ce que tu en penses de la situation. Donc c'est cette parole-là, c'est une parole qui est une parole unilatérale, et la femme ne parle pas du tout dans ce texte. C'est vraiment comme si vous vous regardiez dans un miroir. Dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre visage, mais vous le voyez à l'envers. Alors comment faire lorsqu'on lit ce texte, qu'on le pratique, que ce soit pour réfléchir, pour apprendre des choses, pour rêver, car une dimension vraiment onirique aussi, pour prier ou que sais-je encore, et que certains passages semblent contredire d'autres, ce qui est vraiment le cas des deux textes qu'on a entendus. Soit Adam et Ève sont une seule et même personne et ont été créés simultanément, soit Adam a d'abord été créé, et puis ensuite la femme a été créée à partir d'Adam. Parce que, je vous pose cette question-là, parce que de ces deux options naissent vraiment deux interprétations différentes et deux conceptions différentes de l'homme et de la femme. Si on tire les conséquences de la seconde, par exemple, donc il postule que Ève naît d'Adam, de la côte d'Adam, alors on pourra s'en servir pour lire d'autres textes qui semblent affirmer et confirmer la domination de l'homme sur la femme. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi, lit-on dans le chapitre 3 de la Genèse. Alors je parle pas ensuite de toutes les citations qu'on trouve dans d'autres textes, mais pas simplement la Bible. Comment est-ce qu'on fait pour s'accommoder de ça? On se dit, je ne garde qu'une partie et puis l'autre finalement, ça ne me concerne pas. Comment est-ce que vous faites? Je pense que ce qu'on peut montrer d'abord, c'est de montrer ce qui se passe quand on glisse du premier texte au deuxième. Mmh. Et surtout, la seule réponse qu'on peut faire, parce qu'on peut dire, moi je ne veux plus regarder le deuxième texte. Mais il existe. Mais il existe, donc on ne va pas faire ça. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de montrer ce qui se perd lorsqu'on passe du premier texte au deuxième et de ne pas oublier ce qui s'est perdu. Et donc d'essayer de penser cette image de Dieu masculin et féminin, d'essayer de la penser tout le temps en contrepoint par rapport aux tentations qui sont les nôtres de faire du deuxième texte une justification de la supériorité de l'homme sur la femme dans tous les registres possibles que l'on peut imaginer. Et c'est tout à fait évident que... Ça a été utilisé dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est très important de sans cesse rappeler le premier texte. Mais est-ce que vous pensez que c'est la lecture chrétienne, pour le dire explicitement, qui a influencé, qui s'est arrêté plus spécifiquement au deuxième chapitre? Les rabbins sont aussi parfaitement capables de faire ce type de lecture qui pose la supériorité de l'homme sur la femme. Non, il ne faut pas accuser seulement les chrétiens. L'une des façons dont il serait possible de définir la modernité consiste peut-être à insister sur notre méfiance à l'égard des prestiges magiques et de la mythologie qui s'attachent encore à la notion du sacré, sans pourtant renoncer dans cette méfiance aux significations éthiques que ces notions évoquent. Distinguer le saint du sacré et la vérité du mythe, passer du sacré au saint, tel est peut-être le problème d'une humanité moderne pour qui la crise du religieux ne signifierait pas une fin. Dieu a voulu créer deux êtres, mâle et femelle, mais il créa à l'image de Dieu un être un. Il a voulu qu'il y ait d'emblée l'égalité dans la créature et qu'il n'y eût pas de femme sortie de l'homme, de femme qui passa après l'homme. Il a d'emblée voulu deux êtres séparés et égaux. Mais cela n'était pas possible. Cette indépendance initiale des êtres égaux aurait été probablement la guerre. Il fallait procéder non pas en stricte justice, qui elle exige en effet deux êtres séparés, il fallait pour créer un monde qu'il les eût subordonnés l'un à l'autre. Il fallait une différence qui ne compromette pas l'équité, une différence de sexe, et dès lors, une certaine prééminence de l'homme, une femme venue plus tard, en tant que femme, appendice de l'humain. Nous en comprenons maintenant la leçon. L'humanité n'est pas pensable à partir de deux principes entièrement différents. La femme a été prélevée sur l'homme, mais est venue après lui. La féminité même de la femme est dans cette initiale après coup. Qu'est-ce qu'il y aurait eu comme scène de ménage entre membres du premier couple de parfaite égalité? Il fallait subordination et il fallait blessure. Il fallait et il faut une douleur pour unir les égaux et les inégaux. Avez-vous reconnu le texte que je viens de lire, Catherine Chalier? Je ne veux pas le reconnaître. J'imagine bien. Il s'agit du même homme qu'on a entendu juste avant, Emmanuel Lévinas, dont on entendait la voix. C'était un extrait du 1er mars 1978 sur France Culture, dans lequel Lévinas analysait ce passage du sacré au saint, qui était peut-être une manière de conjurer cette crise du religieux. Et puis j'ai lu un extrait qu'on trouve dans le texte qui s'appelle du Sacré au Saint, qui date de 1968, dans lequel il semble légitimer le deuxième texte donc, que nous avons entendu, et la prééminence de l'homme sur la femme, au nom, dit-il, de la justice. Au fond, il faut une séparation, il faut une hiérarchie pour qu'égalité il puisse y avoir. Quelle étrange position. Oui, je suis bien sûr... D'accord pour trouver cette position étrange, d'autant plus que si on lit le premier texte, il ne s'agit pas du tout de penser en termes d'égalité, il s'agit de penser en termes de séparation, mais chacun et chacune porteur de cette image de Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait nécessairement la guerre. D'ailleurs, c'est si peu vrai que, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, le texte se termine par « c'est très bon ». C'est très bon. Donc c'est parce que peut-être nous sommes incapables de vivre à cette hauteur, donc à cette hauteur de pensée, que le second texte nous séduit davantage. Il nous séduit parce que il semble justement assigner des places, et assigner des places dans lesquelles l'un à la prééminence sur l'autre, l'un parle quasiment à la place de l'autre et projette sur cet autre toute son attente. C'est merveilleux d'avoir un être sur lequel vous pouvez projeter toute votre attente, mais qu'arrive-t-il le jour où cet autre ne répond plus à cette attente? Ou bien dit, mais non, je suis pas du tout la projection que tu fais sur moi-même. Voilà, c'est autant de questions qui se posent, et là, le conflit, si ce n'est la guerre, peut aussi se produire. Ben oui. Donc, je ne pense pas du tout que je partage l'analyse de Lévinas dans ce texte. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Il y a aussi une lecture qui serait proprement littérale. On en parlait hier avec Delphine Horviller, justement, qui autour du texte du sacrifice d'Abraham, qu'une lecture littérale conduirait au fanatisme, au fond, puisqu'il faut obéir à Dieu, même si celui-ci commande de tuer son propre fils. Et finalement, le récit de la création d'Adam et Ève, surtout le second texte, mais même, on pourrait aller même en prenant juste le premier, pris de manière littérale, conduirait à ce qu'on appelle le créationnisme, c'est-à-dire dire, mais qu'au fond, ce qui est raconté là est véritablement l'origine, notre origine à nous autres êtres humains. Comment conjurez-vous cette lecture-là? Oui, non, mais ça, faut pas faire de... Moi, si vous voulez, ce qui me semble important, c'est toujours de partir de la lettre du texte parce qu'elle est porteuse de signification et que c'est nos questions qui font grandir les significations de ce texte. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire une lecture créationniste. Je dis que ce texte, chez les hommes qui les ont... ces textes, chez ceux qui les ont pensés, transmis, nous disent quelque chose sur... Un commencement qui nous marque encore et qui fait que nous sommes là encore aujourd'hui à nous interroger sur ce masculin, sur ce féminin, sur la prééminence des uns sur les autres, etc., etc. Et que ce texte essaie de chercher dans ce commencement, Bereshit, au commencement, des clés de signification pour essayer de comprendre cela. Vous voyez, donc c'est pas, je lis pas du tout ce texte sur le mode du créationnisme. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vous interrogeais plutôt sur le type de lecture, sur le comment se servir de ce texte pour penser. C'est dans l'interprétation, certes, mais est-ce que ça ne réduit pas à en faire une image, justement? Quelle valeur, quel statut a ce texte-là dans la pensée? Ce texte, il n'a de valeur, comme tout le reste, comme tous les autres restes de ce texte de la Torah, ils n'ont de valeur qu'à condition que leur sens soit sans cesse renouvelé. Ça, c'est une base essentielle dans le judaïsme, c'est le chidouche, le renouvellement de sens. On ne peut pas s'installer, dire, ben voilà, les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, et point final, et ça suffit, et c'est vrai de toutes choses, si vous voulez. Et c'est vrai de toutes les religions, pardonnez-moi, surtout oui, cette distinction-là. Bon, moi je peux... Tous les monothéistes, en tout cas. Tous les monothéistes. Et donc, mais enfin, dans le texte biblique, les textes ici, ils sont interrogés, et il s'agit de trouver en eux des aspects du sens que d'autres n'ont pas vus. Et les questions que je peux poser à ce texte, la mise, par exemple, en parallèle entre les deux textes, veulent essayer de faire montrer qu'il y a peut-être des nouveautés de sens à percevoir. Or, qu'est-ce qui arrive? Il arrive souvent, en se servant surtout du deuxième texte, qu'il n'y ait plus du tout de renouvellement de sens. On s'installe, et alors il y a la nature de l'homme, et il y a la nature de la femme, et tout est bien organisé, et les hommes peuvent vaquer à leurs occupations, et les femmes aux leurs. Et donc tout est tranquille, et donc il faut inquiéter ces textes constamment. On peut aussi compter sur l'arrivée du serpent pour troubler cette tranquillité. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Mon voleur ! Attends, lâchez-moi ! Du calme, mes frères, du calme ! Lâchez-moi ! Mais t'as vu, elle porte pas de culotte, la voleuse. Satan, Satan, c'est toi qui as retiré sa culotte. Va-t'en, démon. Bougez pas, mon père, vous avez une guêpe. Mon Dieu, délivrez-nous du mal. Pardonnez-nous nos péchés. Pardonnez-moi mon égarement de tout à l'heure, mais je sacherai Satan. Je chasserai Satan. Monseigneur. Bien sûr, toi, mon fils, le mal étant de tous. Comment chasser Satan qui m'habite ? Satan, disiez-vous, mon fils ? Satan m'est apparu à la gare, Monseigneur. Sous quelle forme, mon fils ? Une bohémienne, une voleuse, une pécheresse. Ses cuisses. Satan utilise toujours la chair pour nous corrompre. J'ai dû manger trop de viande rouge, ça fait chauffer. Moi, je ne mange que du poisson, et malgré ça... Vous rencontrez Satan ? Il me poursuit, le gredin. Ainsi, quand vous êtes entré, j'ai cru que c'était lui. Moi ? Satan ? Il prend souvent l'apparence d'un beau jeune homme pour nous séduire. Et vous ne pouvez nier que vous êtes un beau jeune homme. Et c'est grâce à Jean-Pierre Mocky, qui a réalisé le film qui s'appelle Le Miraculé en 1987, que nous pouvons illustrer ce qu'on appelle le péché originel et dont on entend le récit dans le texte qui a précédé, ce qu'on appelle aussi la chute, avec ce serpent qui donc va venir tenter la femme. Alors quelle place faut-il faire à ce texte, à ce récit que j'ai appelé la chute, le terme ne se trouve pas dans le texte lui-même, et qui semble conduire de manière quasiment téléologique les êtres humains vers une déchéance dont le christianisme ensuite fera la marque de l'être humain qui est d'emblée pécheur pour des générations et des générations, Catherine Schell. D'abord, le mot péché n'apparaît pas dans ce texte, pas plus que le mot chute. Donc ça, c'est une première chose. Pas du tout. Et puis, en fait, si on regarde la Bible juive, il n'a pas une importance grande par la suite. Les fautes importantes, c'est plutôt celle de Caïn qui tue son frère Abel, et donc ça va arriver très vite. Mais il n'y a pas le personnage même d'Adam, il en est très très peu question dans la suite des textes. Il va reprendre une place importante dans le christianisme parce que Jésus sera présenté comme le nouvel Adam. Mais dans le contexte biblique, il est pas bon là. Et même si vous voulez en hébreu ancien et même moderne aujourd'hui, un être humain, c'est un fils d'Adam. Et donc ça ne veut pas dire un fils de pécheur. Un Ben Adam, c'est un fils d'Adam. C'est très intéressant d'ailleurs parce que ça montre que les êtres humains sont pensés par rapport justement à la filialité, à la naissance, aux générations. Bon, je laisse ça de côté et je reviens au texte. Ici, ce qui me frappe dans ce texte, c'est d'abord que le premier dérapage, touche le langage. Parce que le serpent, c'est celui qui insinue le doute, mais qui commence par dire des choses fausses, en disant « vous n'avez pas le droit de rien manger de ces arbres », alors que ce n'est pas vrai, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf un. Bon, ça a été dit un peu plus haut dans le texte, on ne l'a pas lu parce qu'on ne peut pas tout lire. Et donc, vous avez le droit de manger de tous les arbres, et de goûter de tous les arbres, mais sauf un. Donc, déjà, le serpent commence à... Alors, Ève, la femme, plus exactement, la femme, parce que le mot Ève n'est pas là encore, la femme le corrige en disant « si, on peut, mais on ne peut pas le regarder ». Donc, ce n'est pas exact du tout. Donc, alors, ici, qu'est-ce que... Le Satan, au fond, le serpent... Je dis Satan parce que vous avez dit ça dans le... C'est l'extrait de film qui parlait de Satan, ouais. Mais ici, c'est le serpent. Ouais. En fait, dans les commentaires, ils disent... C'est-à-dire, la tentation, elle semble toujours venir de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a cette figure extérieure du Satan qui vient nous dire... Eh ben, mais en fait, dans tous les textes traditionnels, c'est présenté comme... une tentation intérieure, et c'est présenté comme un penchant qui est en nous-mêmes. Donc c'est la tentation, la séduction, et cette séduction, elle vient de nous-mêmes, mais il est plus facile pour nous de la présenter sur le mode de l'extériorité, donc par cette figure. Donc... Vous voulez dire que le serpent a bon dos, qu'au fond il est là pour incarner la tentation qui est de toute façon présente en nous? Oui, mais c'est vrai de toute tentation. Ouais. Hein, mais c'est ce que raconte le texte, puisqu'à la fin, justement, tout d'un coup, une fois qu'ils ont goûté le fruit, qui n'est pas une pomme, hein, la pomme n'est pas présente dans le texte, c'est écrit fruit, eh bien, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. De cette phrase-là, de ces quelques versets, on en a tiré aussi des histoires parfois contradictoires, mais ce serait la découverte de la nudité, donc de la pudeur, donc, dans le meilleur des cas, de l'érotisme. Oui, ça c'est des pistes qui existent, mais qui sont pas spécialement retenues dans la tradition juive, du moins dans beaucoup de textes que je connais. La séduction, quand je dis la séduction, c'est pas forcément la séduction de la sexualité, parce que précisément plus haut dans le texte, il y a cette possibilité de cette bénédiction même sur la sexualité, avec l'idée fructifiez, unissez-vous. Donc la sexualité est bonne. Et il n'y a pas, si vous voulez, contrairement à ce que j'ai entendu là dans le texte qui est élu de ce film, il n'y a pas du tout de séparation entre la chair et l'esprit. Ça c'est pas du tout présent. Il n'y a pas d'un côté la chair et de l'autre l'esprit. Mais quand je dis la séduction est en nous, ici sur quoi porte-t-elle la séduction? Elle porte pas tant sur la sexualité, elle porte sur transgresser la limite qu'on nous a posée. C'est-à-dire, c'est le moment où poser une limite, chacun sait qu'une limite, c'est ce qui nous permet de grandir, de nous élever. On a besoin d'une limite. Un enfant, élever un enfant, c'est aussi lui poser des limites, pas le laisser tout faire. Si les limites et les séparations disparaissent, eh bien, on retourne au tohu bohu originaire. C'est la confusion. C'est pour ça que le premier texte est très important, parce qu'il est entièrement un texte qui justement pose des limites, pose des séparations. Et l'interdit de manger tout, vous pouvez manger tous les plein d'arbres, sauf un, donc c'est l'interdit sur tout. Vous ne pouvez pas tout manger. Et donc la séduction, c'est justement de penser que cet interdit, la figure du serpent, c'est que je lui dis mais c'est pas si grave que ça, quoi. Vous n'en mourrez pas. Vous n'allez pas en mourir, bon. Et voilà. Et donc c'est ce moment de bascule où soudainement la limite qui était créatrice, qui est associée à la création, aux paroles créatrices, devient soudainement une limite. Mais c'est de l'oppression, quoi. On a même... Mais alors, toute la question est de savoir si cette transgression de la limite, pour ne pas parler de chute ni de péché, est une bonne ou une mauvaise chose pour l'homme. Est-ce qu'il gagne quelque chose ou est-ce qu'il perd quelque chose? Bah, si il gagne sa liberté, quand même. C'est intéressant parce que justement, ça montre en effet que la liberté humaine, si elle n'est pas ici pensée, mais ça serait un autre sujet à développer très longuement, elle n'est pas pensée comme une autonomie. La liberté, ce n'est pas l'autonomie. Et là, pour dire les choses bêtes, ça serait le moment où il voudrait être autonome. Je prends le mot autonomie dans son sens étymologique, au sens de me donner à moi-même ma propre loi. Non, ils ne se donnent pas leur propre loi. Ils sont libres. La preuve, c'est que Dieu ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils font. Ils sont libres, mais ils ne sont pas autonomes, en ce sens qu'il y a une limite, et cette limite, justement, incite à penser, mais il faudrait plus de temps pour le développer, cette limite incite à penser une liberté qui n'est pas de l'ordre de l'autonomie, et qui est une liberté, alors qui pourra, en effet, ensuite, et c'est bien ce qui se passe dans le texte, parce qu'on l'a un petit peu coupé ici, par manque de temps, ensuite, donc, Adam a peur et il se cache, et Dieu vient lui demander « Où es-tu ?» Et alors qu'au préalable, il y avait une conversation avec Dieu qui allait bien, soudainement, il a peur et il se cache. Et donc, qu'est-ce qu'il perd ? C'est absolument remarquable de profondeur. Qu'est-ce qu'il perd dans cette histoire ? Il perd cette capacité de répondre « Je ». Ça, c'est vraiment très intéressant. Que répond-il ? Il répond classique, il accuse. C'est la femme. C'est la femme qui m'a donné. Moi, j'ai rien fait, c'est la femme qui m'a donné. Et la femme dit, non, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, double réponse, double accusation, plutôt que de dire, oui, j'ai mangé cet arbre. Donc ça, c'est, voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce qu'ils perdent, c'est cette capacité de dire « je », parce qu'ils sont saisis, justement, par cette confusion qui les a tentés. Il semble qu'un récit qui se termine sur l'homme ne suffit pas. Pourquoi ? Dans le premier récit, l'homme est créé le même jour que les animaux terrestres. Il est vu comme une partie du tout, même si c'est la plus haut placée. Dans cette perspective, la différence absolue entre l'homme et toutes les autres créatures n'est pas vue adéquatement. Il résulte du premier récit que l'homme est séparé au plus haut degré, qu'il peut bouger ou changer de place, même en un sens très métaphorique, au plus haut degré. Mais ce privilège, cette liberté, est aussi un grand danger. L'homme est la créature la plus ambiguë, donc l'homme n'est pas appelé bon. Maintenant, si l'homme est la plus ambiguë des créatures, en fait la seule créature ambiguë, il nous faut un supplément à ce récit où l'homme apparaît aussi comme une partie du tout. Il nous faut un récit centré sur l'homme seul. Plus précisément, comme ambiguïté veut dire ambiguïté à l'égard du bien et du mal, il nous faut un récit où la place de l'homme est définie, non seulement comme elle l'était dans le premier récit par un commandement « Soyez féconds et multipliez-vous » en général, mais par un commandement négatif, une prohibition. La question se pose de savoir, Catherine Chalier, pourquoi il aurait fallu compléter le premier récit. Au fond, pourquoi la création d'Adam et Ève ne suffisait pas à elle-même ? Une hypothèse avancée ici consiste à dire que c'est justement pour essayer de limiter cette liberté qui, sans cette limite, serait trop dangereuse. C'est celle de Léo Strauss, le philosophe Léo Strauss, qui indique donc la nécessité du récit qui suit, de ce qu'on peut appeler la chute ou de la transgression, qui est absolument essentielle parce qu'elle comporte cette fois-ci une prohibition. C'est une bonne manière de parler de cette dimension du texte, sans la ressaisir dans un prisme moral, au fond. Oui, il s'agit du bien et du mal, mais ça ne veut pas dire que l'homme, à ce moment-là, tombe dans le mal ou dans le péché. Non, pas du tout. Pas du tout, ça veut dire que, justement, il n'est pas, peut-être, lui-même, enfin, même pas peut-être, il n'est pas à la source, puisqu'il va goûter quel arbre il goûte. Il goûte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, c'est pas bon là. Et donc il y avait quand même l'arbre de la vie qui était au milieu. C'était le bon arbre quand même. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire ici pourquoi qu'il faut pas qu'il goûte. C'est il veut être à la source justement du bien et du mal. Et le texte nous dit Non. Mais ce qu'il nous dit, et ça j'aimerais bien insister sur ce point-là, parce que ça me semble fondamental, tout le début de la création, qui est placé sous le signe de Tov, bon, très bon, très bon, ce n'est pas repris. Ce bon-là, cette bonté originelle de la création, qui ne veut pas dire que les hommes sont bons naturellement, hein, encore une fois, mais cette bonté originelle telle que l'écrit ici, elle ne veut pas être enlevée. Et le mal, il va rester, c'est très très important ça, il va rester second par rapport au bien. Le mal et le bien ne sont pas deux symétriques. Le mal va être un peu en dessous dans son statut, parce que il ne pourra pas, aussi gravement les hommes le commettent-ils, effacer cette bonté originelle qui reste dans les profondeurs de l'être humain, et en particulier lorsque l'on pense justement ce stelem Elohim, cette image de Dieu, on peut l'oublier, on peut la recouvrir de tout ce que l'on veut, mais c'est très important de ne pas penser que le bien et le mal ne sont pas sur le même plan. C'est pas le yin et le yang, c'est pas un équilibre polaire. Pas du tout. Il y a une asymétrie entre les deux, et l'antériorité du bien demeure, et cette antériorité du bien demeure, et elle demeure aussi en chaque être humain, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, comme cette image de Dieu qui est en eux et qui fait qu'ils portent ce bien en eux, puisqu'il y a une bénédiction qui dit que c'est bien, mais évidemment, on peut le repousser au plus profond de soi, ne plus vouloir rien en connaître et s'abîmer, mais il y a toujours la possibilité, si on pense comme ça. Et je ne suis pas la seule à le penser, si on pense ainsi, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a toujours la possibilité du retour, et du repentir, et de la réparation. Et donc ça, c'est quand même important. On se quittera avec ce terme de réparation. Merci beaucoup Catherine Chalier d'être venue nous parler d'Adam et Ève ce matin. Adam et Ève, une seule et même personne, donc on retiendra cette conclusion. Je renvoie les auditeurs à vos nombreux ouvrages qu'on va mettre en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, et notamment Lire la Torah pour ceux que ça intéresse, un livre publié en 2014. Oh. A brisé son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour, saveur amère comme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, Ève aux yeux pâles, délaissée par le ciel. Ève, lève-toi de Julie Pietri. Et oui, les interprétations du texte biblique sont sans limite. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Avril Poignant-Legoff, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jérémy Kaufmann. À la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la Bible, nos lectures de l'Ancien Testament après le sacrifice d'Abraham hier et Adam et Ève, une seule et même personne aujourd'hui, demain. On parlera du Cantique des Cantiques, ce texte dingue, lyrique, poétique, qui serait peut-être le premier poème érotique. On en parlera en compagnie du philosophe Olivier Abel. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, ces émissions, en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions et aussi les podcaster, les télécharger, comme ça vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, en faisant ce que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, l'équipe des Chemins a compte sur chacun de ces réseaux et l'anime quotidiennement. À demain 10h, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.